le son dans l'unité centrale. Tu nous connais? Ouais, c'est capé, c'est capé, c'est capé. Ça suffit de me demander, oh, qu'est-ce qui va se passer après? Minoc, c'est un bon qui et ça repart. De l'eau a coulé depuis des piges et notre point de départ. Ah, ça suffit de la ramener, ça suffit les appels après minuit à numéro masqué. Ça suffit les meufs qui se prennent pour des misses. Une paire de lunettes masquées, les dépôts se minimisent. Oui, trop de crève la faim pour une gadget. Tu flambes en boîte alors t'es pas foutu de remplir le caddie. Ça suffit les mecs qui parlent pour des bitches. Tu sais ce que j'ai dans la tête, à quoi je pense que je vis. Nah. Loin de jouer les misérables dans le rap, peu d'espoir car je sais crafter la misère. Quelques faces qui claquent et ça ira. Kamikaze prod au microphone, c'est le Sahara. Les crânes s'échauffent et explosent comme un Irak. En marche, on a la dalle au mic comme des Somaliens pirates. Ça suffit putain, ouais ça suffit. Moi j'suis là par gourmandise, pas besoin de me foutre à quatre pas. De rago, de barbo dans ce business. Mon amour est trop belle de mon stylo de là. Ce qui me reste en finesse. Appris ça comme un combat, cap ça. Avec un bloc de son dans l'unité centrale. Tu nous connais? Ouais, c'est capé. Ça suffit de me demander, oh, qu'est-ce qui va se passer après? Minoc, c'est un bon qui et ça repart. De l'eau a coulé depuis des piges et notre point de départ. Ça suffit les messes basses. Parler, parler de misère. Mais la plupart ici portent des Air Max. Faut arrêter de se plaindre, de pleurnicher tous les soirs. C'est pas demain la veille que tu vas fêter le milliard. On est des milliers à vouloir la réussite. Ça suffit, j'insiste, pense tes burnes et persiste. Ça suffit pas de se lever tôt s'il y a pas de thunes qui rentrent. Vaut mieux avoir le frigo plein comme la rondeur de mon ventre. Tu vois pas que ça suffit, tu me crois pas que ça suffit. Regarde autour de toi, on vit dans le supplice. L'homme se met à genoux pour une paye à 1006. Tandis que la femme veut des gros bijoux à 18. Quitte à être à découvert, manger des pâtes tous les midis. Depuis ma première mesure, j'ai enfin compris qu'à force de relater le mal, c'est lui qui t'instruit. Ça me suffit à croire que la fin sera tragique. Trop de raco, de barco dans ce business. Mon amour est trop maigre de mon stylo de l'as. Qui me reste en finesse. Tu peux appeler ça comme un combat. Cap ça, avec un bloc de son dans l'unité centrale. Tu nous connais? Ouais, c'est capé. Ça suffit de me demander, oh, qu'est-ce qui va se passer après? Minoc, c'est un bon qui et ça repart. De l'eau a coulé depuis des piges et notre point de départ. Come on! Kamikaze prod, vraiment RKO. C'est le quotidien du trafic de